Chapitre 40e. Amélioration. Les circonstances insignifiantes produisent souvent de grands résultats. Quand Frank Halliburton fut rentré chez lui, et avec sa vivacité habituelle, se fit lancer tête baissée dans la proposition de M. Glenn, Jane se figurait peu qu'elle allait considérablement augmenter ses revenus. Ce ne fut pas cependant qu'elle consentit de prime abord à la requête de M. Glenn. Elle demanda à réfléchir, mais les Glenn, affirmait Frank, écrivait pitoyablement l'anglais, et s'il pouvait les aider sans prendre pour cela ni sur son temps ni sur son argent, pourquoi ne le ferait-elle pas? Enfin, elle y consentit. Madame Halliburton s'étonnait intérieurement que M. Glenn n'eût pas remédié plus tôt aux lacunes qui existaient dans l'éducation de ses fils. Le fait est que, ainsi que beaucoup d'autres messieurs dont les fils suivent le collège, M. Glenn avait laissé les choses marcher à leur guise. Peut-être croyait-il que ces garçons apprendraient par intuition l'orthographe et la composition. Le contraste qu'offraient Philippe et Frank Halliburton l'avait fait sortir de son indolence. Jane admit donc les deux jeunes Glenn à ses leçons du soir. Leur père reçut l'acceptation à ma reconnaissance, mais les jeunes messieurs s'en montrèrent beaucoup moins enchantés et eurent beaucoup de peine à finir leurs tâches pour le collège, de façon à arriver régulièrement chez Madame Halliburton. Avant que 3 mois se fussent écoulés, leur orthographe avait subi une grande amélioration. La grammaire leur était mieux connue. Ils avaient appris que l'Amérique n'est pas située sur la Méditerranée ni arrosée par le Nil, et que l'histoire d'Angleterre contient d'autres faits que la décapitation de Charles Ier et la conspiration des poudres. Ils devenaient plus réfléchis, plus obéissants, plus traitables, et M. Glenn entendit un jour Philippe refuser de s'embarquer dans une gaminerie parce que ce n'était pas bien. Il était impossible en effet à Jane d'avoir auprès d'elle des garçons sans chercher à corriger leurs défauts, comme elle l'aurait fait avec ses fils, tandis que le respect des jeunes Halliburton pour leur mère, leur profonde affection, leur distinction de manière, ne pouvait manquer d'avoir une heureuse influence sur Philippe et Charles Glenn. À la fin des 3 mois, M. Glenn adressa à Madame Halliburton une lettre de remerciement dans laquelle il lui témoignait l'espoir qu'elle accorderait encore à ses fils le privilège de suivre ses leçons, et d'une manière délicate, la priait en s'excusant de vouloir bien accepter par trimestre un billet de 100 francs. Jane ne s'y attendait pas, on ne lui avait jamais parlé de paiement, mais cette somme n'en fut pas moins la bienvenue. En écrivant à M. Glenn, elle lui expliqua qu'elle n'avait nullement compté sur une rémunération, mais elle parla de sa position un peu étroite et le remercia de l'aide qu'il y apportait. « Ce doit être une femme très distinguée, » dit M. Glenn à sa femme après lui avoir lu le billet. « J'aimerais bien la connaître. » »« C'est ce que j'ai fait un jour comprendre à Frank, mais il m'a dit que sa mère était trop occupée pour faire ou recevoir des visites, » répondit Madame Glenn. M. Glenn, néanmoins, alla faire visiter à Jane. Un de ses amis, dont les fils étaient au collège, frappé de l'amélioration notable des jeunes Glenn, demanda si ces garçons ne pourraient pas partager le même enseignement, et M. Glenn se chargea d'aller le proposer à Madame Halliburton. Le résultat de sa visite fut que, 6 mois après l'après-midi que Frank avait passé chez M. Glenn, Jane avait le soir 10 écoliers qui lui faisaient un revenu annuel de 2 000 francs, sans lui prendre plus de temps que lorsqu'elle ne donnait des leçons qu'à ses fils. Elle pouvait maintenant commander une nourriture plus substantielle et surtout faire donner une instruction plus libérale à ses enfants, William y compris, dans les branches qu'il n'avait pas encore commencées. Un professeur, qui demeurait sur la route de Londres, consentit à recevoir 3 fois par semaine les jeunes Halliburton, moyennant une légère rétribution. « Maman, » s'écria un jour William avec son doux sourire, « nous avançons étonnamment. Si tu n'y voyais pas d'objection, nous pourrions apprendre autre chose. »« Quoi donc ?» demanda Jane. « Le français. Comme Samuel Lynn et moi, nous revenions ce soir, nous avons rencontré M. Collin. Il nous a dit qu'il allait organiser une classe de français de 12 élèves et qu'il serait bien aise que nous y fussions tous les 3. » Qu'en dis-tu, maman? C'est une bien grande tentation. J'ai toujours désiré vous voir apprendre le français. Serait-ce bien cher? Très bon marché pour nous. Il nous a dit qu'il te considérait comme un professeur, un confrère. Quelle idée! S'écria Frank avec chaleur. Maman, un professeur. Je ne crois pas pouvoir aspirer à un titre aussi considérable, dit Jane en riant. Celui de maîtresse d'école me conviendrait mieux. Frank fut choqué de cette expression. Tu n'es pas une maîtresse d'école, maman, reprit-il avec vivacité. « Frank, » interrompit Jane avec sérieux. « Quoi, maman ? Je suis bien heureuse d'avoir pu en être une. » Les larmes montèrent aux yeux de Franck. « Tu es une dame, maman. Je ne te regarderai jamais comme autre chose. Voilà. » Jane sourit. « J'espère bien être une dame, Franck, quoique je couse des gants et que j'enseigne l'orthographe à des garçons. » « Comme Céline sait bien le français, » s'écria William. « Le parle-t-il ? Comme un indigène, aussi vite que M. Colin. Apprendrons-nous le français, maman ? Ce serait un si grand avantage pour nous. » « Mais le temps, William. Oh, si tu peux nous donner l'argent, nous saurons bien trouver le temps, » répondit William en riant. « Aie confiance en nous, mère. » « Alors, William, tu peux dire à M. Colin que vous irez chez lui. »« Magnifique et pas cher, » s'écria Frank en employant sa locution favorite. « Maman, je crois que nous finirons par recevoir une éducation tout à fait supérieure. » « Maman craignait tant que nous ne puissions jamais y arriver, » dit William. « Moi, je ne l'ai jamais craint. Là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen. »« De generis animos timor argit. » Une vaine frayeur agit toujours les âmes dégénérées. Acheva Frank en citant une de ses phrases latines familières et en oubliant dans son enthousiasme qu'il ne faisait guère un compliment à sa mère et à son frère.